instant, j'ai fait une pause, une foule d'idiots m'est rentrée dedans. Et ça a été vraiment le seul changement. J'ai regardé le ciel béatement, il était clair et bleu. Ça faisait longtemps que je passais dessous en courant, sans lui prêter attention. Consternant, je mangeais du chien. Cet idiot de chien qui m'a piqué ma chaussure.